بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous allons, Inch'Allah, pour ceux qui ont déjà assisté au cours, ce sera un rappel. Le cours donc que j'avais fait dimanche dernier à la mosquée de Lisieux. Nous allons faire donc les explications des quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Alhamdulillah, nous avons pu étudier donc ou sous les sept, les six fondements de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Nous avons donc fait l'explication, les différentes explications des savants, des grands savants de la sunna reconnus. Et donc tous ces cours donc pourraient être retrouvés sur mon site internet. Normalement vous avez le lien du site. Sinon, pour le retrouver sur Google, vous tapez donc Karim Ben Amor Islam. Et donc, normalement, vous tomberez sur les liens du site et vous irez sur la rubrique cours, cours audio. Donc, nous allons commencer donc les quatre règles. J'avais déjà fait, comme je l'avais déjà mentionné dimanche dernier, j'avais déjà fait donc les explications des quatre règles, mais j'avais fait les explications en me tenant donc sur les explications de Cheikh Mohamed Amin al-Jami rahimahullah et de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. Et donc j'ai décidé, par la permission d'Allah Azza wa Jal, que nous allons étudier donc les quatre règles, cette fois-ci avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Donc nous allons commencer donc les quatre règles, Inch'Allah, dont le texte peut être retrouvé également sur mon site internet. Vous aurez directement donc le texte en arabe et avec la traduction en français. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Donc l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah a écrit: بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Donc le Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit: je demande à Allah le généreux, seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Les explications maintenant de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Al-Sharh. هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهي رسالة مستقلة ولكنها تتبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah que ce sont donc les quatre règles que l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, également appelé Cheikh l'Islam, a écrit. Et donc c'est un livret qui est indépendant, mais qui est en réalité lié avec les trois fondements du même auteur. والقواعد جمع قاعدة. Donc les قواعد, qui sont les règles, c'est le pluriel de قاعدة, c'est-à-dire une règle. والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. Et donc la règle, c'est quoi? C'est la base. C'est la base à partir de laquelle il y a différentes questions qui concernent donc cette règle, cette base. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Donc ce qui est inclus en fait dans ces règles-là, ces quatre règles, c'est la connaissance de ce qu'est le tawhid, c'est-à-dire le pur monothéisme, et la connaissance de ce qu'est le polythéisme ou l'associationnisme. وَمَا هِيَ الْقَاعِدَ فِي التَّوْحِيدِ وَمَا هِيَ الْقَاعِدَ فِي الشِّرْكِ. Et donc quelle est la règle sur le pur monothéisme et quelle est la règle sur l'associationnisme ou le polythéisme. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرها على حسب هواه. Donc il dit car il y a des gens qui sont confus concernant ces deux points, que ce soit le pur monothéisme, le tawhid, et que ce soit l'associationnisme, le shirk, le polythéisme. Ils sont confus dans ce que signifie le pur monothéisme. Et ils sont confus dans ce que signifie l'associationnisme. Chacun en l'explique, hein, ou en donne sa propre définition, selon ses passions. ولكن الواجب. Mais ce qui est obligatoire, أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة. C'est que l'on retourne lorsqu'on vient pour émettre ces règles-là, lorsqu'on vient pour définir une chose, c'est qu'on le retourne au livre d'Allah et à la Sunna. ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Donc c'est pour ça que c'est essentiel donc que l'on retourne au livre d'Allah et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam concernant notamment ces deux points très importants à comprendre et à connaître, que sont le pur monothéisme et l'associationnisme. Donc on se doit de retourner au livre et à la sunna, au livre d'Allah et à la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que lorsque on définit une chose, elle soit définie sur une base correcte et authentique. Quelle est cette référence-là et cette base correcte et authentique? Le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dit « والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثيرا من المتخبطين. » Il dit le Cheikh hafidhahullah que le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'a pas mentionné ces règles-là de sa propre opinion ou ses propres pensées, comme le font beaucoup parmi ceux qui sont confus. وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. Il a dit, mais le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a pris ces règles-là. Il ne les a pas pris de sa propre personne ou ni de ses pensées à lui, mais il les a pris, il les a tirés du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. Donc si tu connais, si tu comprends par la suite, donc si tu connais ainsi ces règles-là que nous allons étudier, inshallah, et que tu les as compris correctement, eh bien ça devient facile pour toi, ça devient plus simple pour toi de comprendre ainsi ce qu'est le pur monothéisme, ce qu'est le tawhid, dont Allah Azzawajal a envoyé ses messagers avec, et qu'il a fait descendre ses livres, et la connaissance, et tu connaîtras ainsi ce qu'est l'associationnisme ou le polythéisme, dont Allah Azzawajal a mis en garde contre, et qu'il a clarifié, et qu'il a clarifié donc son danger et ses mauvaises répercussions dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ses mauvaises conséquences dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا. Et ceci est un cas qui est extrêmement important. وَهُوَ أَلْزَمْ عَلَيْكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Donc il dit que, eh bien, ceci, il dit que la connaissance du tawhid, du pur monothéisme, et la connaissance du shirk, du polythéisme, de l'associationnisme, eh bien, c'est extrêmement important. Et c'est beaucoup plus important de connaître cela, et c'est obligatoire pour toi de connaître cela, et c'est la première chose dont tu dois connaître avant de connaître la salat, avant de connaître la zakat, avant de connaître le hajj. Donc c'est ce par quoi on se doit de commencer à comprendre. Pourquoi il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit car la prière, la zakat, le hajj et tous les autres actes d'adoration ne sont pas valides s'ils ne sont pas bâtis sur la croyance correcte qui est le pur monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que il est strict, il est essentiel de comprendre cela. Et on parle, entre parenthèses, on ne dit pas qu'une chose n'est pas importante ou a moins d'importance dans la religion. Ça c'est Ce n'est pas correct de dire cela. Ou bien comme on entend certains musulmans ou musulmanes dire, cela ce sont des épluchures. Hein? Vous vous concentrez sur les épluchures ou ce sont des détails. Et certains imams surpassent ces détails-là, ils ne donnent pas d'importance à cela. Et ça, ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct? Car tout ce qui a été révélé par Allah Azza wa Jal du haut des sept cieux est important. Tout est important. Par contre, il y a des priorités. Il y a des priorités. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par la salat, alors que l'individu ne sait rien sur le tawhid, sur le pur monothéisme. On ne commence pas à inviter les gens à prier alors qu'ils ignorent ce qu'est le pur monothéisme. Et lorsque tu t'éduques, tu étudies ce qu'est le pur monothéisme, tu te dois d'étudier également ce qui l'oppose. Car on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît ce qui l'oppose. Donc tu ne peux pas dire que tu connais ou tu comprends le pur monothéisme ou tu comprends le tawhid si tu ne sais pas ce qu'est le shirk, l'associationnisme, ou si tu ne sais pas ces catégories et ce que cela induit et le danger. Si tu ne connais rien du shirk eh bien tu ne connais pas le tawhid. D'accord ? Car on étudie une chose, on se doit de connaître donc ce qui l'oppose. Et on ne connaît une chose que lorsque l'on connaît ce qui l'oppose. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كي دي وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم. Donc là, l'auteur Mohammed, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a débuté, a commencé les explications des quatre règles par une préface ou un avant-propos qui est immense dans la façon comment il l'a commencé. Il a commencé par une invocation. Il a commencé par une invocation à l'étudiant en science. والتنبيه على ما سيقول والتنبيه على ما سيقوله حيث قال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. Donc il dit, on doit prêter attention à ce que l'auteur de ces quatre règles a dit et par quoi il a commencé. Il a dit, j'invoque Allah. Alors attendez, je règle ceci. Il a dit, je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il te bénisse où que tu sois. Et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Voyez par quoi le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimallah a commencé. Il a commencé sa risale, hein? Il a commencé ce livret que sont les quatre règles par cette invocation à l'étudiant en science. Il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah, هذه مقدمة عظيمة. Ceci est un avant-propos qui est énorme. فيها دعاء من الشيخ. Il y a dans cela une invocation de la part du Cheikh, rahimahullah, qu'Allah ait miséricorde sur lui. لكل طالب علم, pour tout étudiant en science, يتعلم عقيدته, qui s'éduque dans sa croyance. يريد بذلك الحق. Il s'éduque dans sa croyance et il veut par cela la vérité. Il recherche le haq. ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك. Il recherche par cela le fait de s'écarter de l'égarement et de l'associationnisme. فَإِنَّهُ حَرِيٌّ بِأَنْ يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimallah souhaite vraiment qu'Allah Azza wa Jal soit l'allié de l'étudiant en science ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui recherche le haq, celui qui cherche à corriger sa aqida, à la comprendre et à s'écarter de l'égarement et de l'associationnisme. وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارَةِ أَنْ تَسِلَ إِلَيْهِ. Et si Allah Azza wa Jal le protège, le prend pour allié, c'est-à-dire qu'il, cet individu-là, cet étudiant en science, devient un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, eh bien les choses détestables n'atteignent pas celui qui recherche le haq et celui qui s'éduque. La fi dinihi wa la fi dunyah. Ni dans sa religion, ni dans son, dans ce bas monde. Qala ta'ala, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. Allah Azza wa Jal dit, dans Surat al-Baqarah, verset 257, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les taroutes. Ils ont pour défenseur les taroutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Donc si Allah Azza wa Jal te défend, te protège, tu deviens son bien-aimé, tu deviens un allié d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire son bien-aimé, eh bien Allah Azza wa Jal te fait sortir des ténèbres. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Il te fait sortir des ténèbres. ظُلُمَاتِ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ وَالشُّكُوكُ وَالْإِلْحَادِ. Des ténèbres, il te fait sortir des ténèbres de l'associationnisme, des ténèbres de la mécréance, des ténèbres des doutes et de l'apostasie. Il a nour l'iman, wal-ilm, al-nafi' wal-amal al-salih. Il te fait sortir donc de toutes ces ténèbres-là vers la lumière de quoi ? De la foi, de la science bénéfique et de la bonne œuvre. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Dans la traduction du sens du verset où Allah Azza wa Jal dit dans sourate Muhammad verset 11, c'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شفاء بعدها أبدا. Donc si Allah Azza wa Jal te protège et que tu deviennes un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, qu'il te donne la possibilité de la, qu'il te guide et qu'il te donne la possibilité d'accepter le haq, de suivre la guidée, la voie droite, dans ce bas monde et dans l'au-delà, eh bien sache que tu atteins alors un bonheur inestimable. Il n'y a pas de meilleur bonheur après cela. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. Dans ce bas monde, comment Allah Azza wa Jal dans ce bas monde donc te défend, te protège? Tu deviens un des bien-aimés d'Allah, un élu d'Allah. Eh bien, dans ce bas monde, c'est quand il te donne cette possibilité-là en te guidant et en te donnant la facilité de suivre la méthodologie qui est saine. وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره هذه ولاية الله لعباده المؤمن في الدنيا والآخرة. Et donc dans l'au-delà, comment Allah Azza wa Jal te protège et que tu deviennes un allié d'Allah, c'est-à-dire un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, comment il te donne ce bien-là? Eh bien, c'est qu'il te fasse entrer au paradis et tu restes là-bas éternellement au paradis, dans lequel il n'y a ni peur, ni maladie, ni difficulté, ni arrogance, ni choses détestables. Ceci est la défense d'Allah Azza wa Jal, la protection d'Allah Azza wa Jal à son serviteur croyant dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال وان يجعلك مباركا اينما كنت. Puis le Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah dit ce que le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit. Et qu'Allah Azza wa Jal te bénisse où que tu sois. اينما كنت. اذا جعلك الله مباركا اينما كنت فهذا هو غايه المطالب. Eh bien, si Allah Azza wa Jal te bénit où que tu sois, eh bien, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est voulu par celui qui invoque. يجعل الله البركة في عمرك. C'est-à-dire qu'Allah mette de la bénédiction dans ton âge. ويجعل البركة في رزقك. Et qu'il mette de la bénédiction dans tes provisions. في رزقك. ويجعل البركة في علمك. Et qu'il mette de la bénédiction dans ton savoir, ta science. ويجعل البركة في عملك. Et qu'il mette de la bénédiction dans tes œuvres. ويجعل البركة في ذريتك. Et qu'il mette de la bénédiction dans ta descendance, ta progéniture. أينما كنت, où que tu sois, تصاحبك البركة. Eh bien, la bénédiction te suit, t'accompagne. أينما توجهت, où que tu te diriges. وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. Et ceci est un grand bien, un bien immense et une faveur d'Allah le Très-Haut. قال, donc le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dit رحمه الله, وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر. Et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit. خلاف الذي اذا اعطي كفر. C'est à l'opposé de celui que lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne, il devient, donc il se met à mécroire, à être ingrat envers la ni'ma qu'Allah Azza wa Jal lui donne. خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. C'est à l'encontre, à l'opposé de celui que lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne, hein, lui donne une ni'ma, celui-ci n'est pas reconnaissant. Il est ingrat envers ce bien qu'Allah Azza wa Jal lui donne. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Car il y a beaucoup parmi les gens. إِذَا أُعْتُوا النِّعْمَ كَفَرُوهَا وَأَنْكَرُوهَا. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il mécroit en cela. C'est-à-dire qu'il devient ingrat envers Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne un bienfait. Et il la renie en plus. Et en plus de cela, il renie que c'est Allah Azza wa Jal qui lui donne cette ni'ma. وَصَرَفُوهَا فِي غَيْرِ تَعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et il la dépense, ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, eh bien, le fait qu'il mécroit en cela et qu'il la renie, qu'il est ingrat envers Allah Azza wa Jal, il se met à la dépenser dans autre que l'obéissance à Allah Azza wa Jal. فَصَارَتْ سَبَبًا لِشَقْوَاتِهِمْ. Ça devient donc une cause, ceci est une cause, de leurs difficultés. Allah Azza wa Jal, il te donne une ni'ma et tu n'es pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, tu ne loues pas Allah Azza wa Jal, mais tu renies que c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné, tu mécrois en cela et tu la dépenses dans autre que l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et bien cela devient une cause aux difficultés que tu rencontreras si tu agis comme ça. أما من يشكر فإن الله يزيده. Mais celui qui est reconnaissant et qui remercie Allah Azza wa Jal, eh bien Allah lui donne encore. Allah Azza wa Jal dit, قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Dans la traduction du sens du verset 7 de sourate Ibrahim, où Allah Azza wa Jal dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Wallahu jalla wa ala, yazid al-shakirin min fadlihi wa ihsani. Et Allah Azza wa Jal augmente ses faveurs et sa bonté pour celui qui est pour tous ceux qui sont reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَزِيدْ مِنَ النِّعَمْ فَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Donc si tu veux un surplus de bienfaits, eh bien remercie Allah le Très-Haut. وَإِذَا أَرَدْتَ زَوَالَ النِّعَمْ فَكْفُرْهَا. Et donc si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te retire ces bienfaits-là, te les enlève, eh bien renie-la et mécrois en cela. قَالَ وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرْ. Donc, le Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahimallah, dit patient lorsqu'il est éprouvé. Patient lorsqu'il est éprouvé. Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, a donc dit Allah Jalla wa Ala yabtali l'ibad. Allah le Très-Haut éprouve les serviteurs. Yabtalihim bil masa'ib. Il les éprouve avec les malheurs. Yabtalihim bil makarih. Il les éprouve avec ce que le serviteur lui-même déteste. Les choses qui sont détestables. Yabtalihim bil a'da min al kuffar wal munafiqin. Il les éprouve, il éprouve les serviteurs avec les ennemis parmi les mécréants et les hypocrites. Fayahtajuna ila sabr. Ils ont donc besoin de la patience. Wa adam al ya's. Mais surtout, ils ne doivent pas avoir de désespoir. Wa adam al qunut min rahmatillah. Ils ne doivent pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Wa yuthbituna ala dinihim. Et ils se raffermissent et ils restent fermes sur leur religion. Wa la yatazahzahuna ma al fitan. Et qu'ils ne commencent pas à trembler ou à déambuler, hein, lorsqu'il y a des troubles, ou à partir une fois, ou à quitter la voie droite, d'accord, à zigzaguer lorsqu'il y a des troubles. Aw yastaslimuna lil fitan, ou bien se soumettent aux troubles et aux fitan. Bal yuthbituna ala dinihim. Mais ils restent fermes sur leur religion. ويصبرون على ما يقاسون. Et ils patientent sur ce qui leur arrive. من الأتعاب في سبيلها. Donc ils patientent sur ce qui leur arrive et les fatigues et les difficultés, donc en patientant face à ces épreuves qui sont, d'accord, qui sont difficiles. بل يثبتون على دينهم. Mais ils restent fermes sur leur religion. ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها. بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله. À l'opposé de celui, vous voyez, il y a celui qui va patienter lorsque les troubles arrivent, il reste ferme sur sa religion, il reste ferme sur sa religion, lorsqu'il y a des troubles, il ne va pas commencer à zigzaguer à droite et à gauche, une fois il va aller avec des gens qui vont suivre les fitaines, d'autres qui vont aller dans tel ou tel extrême. Non, il reste sur la voie droite, sur le juste milieu. Il reste ferme sur sa religion et il patiente face aux troubles et aux difficultés qui leur arrivent. Donc ils vont patienter. Et ça, c'est à l'opposé de celui que il suffit qu'il y a, qu'il était, qu'Allah Azzawajal éprouve par des troubles ou des difficultés, il se met alors à avoir un mauvais comportement et à désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. فَهَذَا يُزَادِ ابْتِلَاعَ إِلَى ابْتِلَاعَ وَمَصَائِبْ إِلَى مَصَائِبْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, ceux qui se comportent ainsi lorsqu'il y a des troubles ou des difficultés, c'est-à-dire qu'ils se mettent à avoir un mauvais comportement, à devenir ingrat envers Allah Azzawajal, à désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal lorsqu'un trouble les touche, eh bien, Allah Azzawajal, cela, c'est une cause qu'ils reçoivent des épreuves sur épreuves et des malheurs sur malheurs. Parce qu'ils n'ont pas patienté, parce qu'ils ne sont pas restés fermes sur la religion d'Allah le Très-Haut. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Faman radiya falahu ar-ridha. Celui donc qui agrée ce qu'Allah azza wa jal les a éprouvés, parce qu'il sait qu'il est testé dans cette vie-là. Il sait qu'il est éprouvé, il sait que cette dunya, que ce bas monde, ce n'est pas le paradis. Donc il faut arrêter qu'on se leurre sur le fait de penser que c'est bon, on va se marier, ça va être la belle vie, c'est que le bonheur, etc. Cette dunya, ce bas monde, ce n'est pas le paradis. Ce bas monde, ce n'est pas le paradis. il faut toujours se remémorer le fait qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve et teste notre degré de sincérité et teste notre foi. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si Allah, lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Faman radiya falahu rida. Celui qui agrée, qui accepte cela, eh bien Allah Azza wa Jal l'agrée. Waman sakhita fa alayhi sukht. Et celui qui déteste cela, qui ne l'agrée pas donc, eh bien, il aura le châtiment terrible. وَأَعْظَمَ النَّاسِ بَلَاءً. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَأَعْظَمَ النَّاسِ بَلَاءً. Et parmi les gens qui sont le plus éprouvés, الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Il y a les prophètes, puis ceux qui les suivent. وَبْتُلِيَ الرُّسُلُ وَبْتُلِيَ الصِّدِّيقُونَ وَبْتُلِيَ الشُّهَدَاءُ وَبْتُلِيَ عِبَادَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ. Les envoyés, les messagers d'Allah ont été éprouvés. Les véridiques ont été éprouvés. Les martyrs ont été éprouvés. Les serviteurs d'Allah, les croyants, sont éprouvés. Ont été éprouvés. لَكِنَّهُمْ صَبَرُوا. Mais ils ont patienté. أَمَّا الْمُنَافِقُ. Tandis que l'hypocrite, فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ. Allah Azza wa Jalla a dit concernant l'hypocrite: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Et il en est parmi, dans la traduction du sens du verset 11 de Surat al-Hajj, Allah Azza wa Jalla dit: il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. Yani tarf, c'est-à-dire vraiment marginalement. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَتْمَأَنَّ بِهِ. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Mais s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. فَالدُّنْيَا لَيْسَتْ دَائِمًا نَعِيمًا وَتَرَفًّا وَمُلَذَّتْ وَسُرُورًا وَنَصْرًا. Donc il rappelle ici le Cheikh Salah al-Fawzan Havidullah qu'on n'oublie pas un point important, notamment que cette dunya, comme je disais précédemment, ce n'est pas le paradis. Ce bas monde n'est pas le paradis. Ce n'est pas les bienfaits pour toujours. Ce n'est pas les bonnes choses, les bonnes saveurs pour toujours. Ce n'est pas la joie et la victoire pour toujours. C'est ce bas monde. Il y a des épreuves dans ce bas monde. Tandis que ce n'est pas le paradis où il n'y a ni maladie, ni difficulté, ni problème. Laysat daiman hakadha. Ce n'est pas toujours comme cela. Allah yudawiluha bayna al-ibad. Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'alterne entre les gens, l'alterne entre les serviteurs. As-sahaba afdal al-umma madha jara alayhi min al-ibtila wal-imtihan. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la meilleure communauté, quel leur est-il arrivé en tant qu'épreuve, en tant qu'épreuve et difficulté et test? قال تعالى الله عز وجل دي وتلك الايام نداولها بين الناس. الله عز وجل دي dans la traduction du sens du verset 140 de sourate Ali Imran: ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. فليوطن العبد نفسه انه اذا ابتلي فان هذا ليس خاصا به. Donc le serviteur se rappelle qu'il se comporte correctement et qu'il se remette en question, qu'il rappelle son fort intérieur que lorsqu'il est éprouvé par Allah Azzawajal, ceci n'est pas spécifique à lui. Ce n'est pas, par exemple, comme on entend certains qui se mettent à demander des comptes à Allah Azzawajal, en disant, A'oudou billah, en disant, pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, hein? Pourtant je suis bon, pourtant je fais ça, pourtant je fais ça, pourtant je fais ça. Subhanallah. Yani, il demande des comptes à Allah Azzawajal, ou elle demande des comptes à Allah Azzawajal. Donc, au serviteur de se comporter correctement et de se rappeler que cette dunya, ce bas monde, et dans ce bas monde, il y a des épreuves. Personne n'en échappera. Personne n'en échappera. Et que cela, ce n'est pas spécifique à toi. فهذا سبق لأولياء الله. Les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, ont devancé cela parmi les gens. Eux-mêmes ont été éprouvés. فيوت نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين. Donc il patiente, qu'il patiente, qu'il se rappelle que cela n'est pas spécifique à lui. Et qu'il patiente et qu'il attende la victoire, qu'il attende l'ouverture, c'est-à-dire lorsque c'est difficile, qu'il attende donc la facilité qui proviendra d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des fins sera pour les pieux. Qala wa idha adhnaba astaghfar. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans son invocation qu'il fait à l'étudiant en science, il dit, et lorsqu'il est repentant lorsqu'il est pécheur. Et repentant lorsqu'il est pécheur. Amma alladhi idha adhnaba la yastaghfir wa yastazid min adh-dhunub fa hadha shaqiyyun wa li'iyadu billah. Lakin al-'abd al-mu'min kullama sadara minhu dhanb badira bit-tawba. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur. Repentant lorsqu'il est pécheur. Il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tandis que celui qui pêche, qui fait des péchés, mais ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, et continue à faire des péchés, celui-ci est quelqu'un qui est en difficulté, qui n'aura que des difficultés et qu'Allah nous en préserve. Tandis que le serviteur croyant, à chaque fois qu'il fait un péché, il se précipite à faire la tawba, la repentance. وَالَّذِينَ Allah Azza wa Jal dit, قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ. Donc Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset 135 de Sourate Ali Imran, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et Allah Azza wa Jal dit, إِنَّمَا التَّوْبَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset 17 de Sourate An-Nisa, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Donc là on doit souligner un point ici. Ceux qui font le mal par ignorance. Et c'est cela que va expliquer le Cheikh. Qu'est-ce qui implique ici, qu'est-ce qui est voulu par ignorance ici? D'accord? Par le terme ignorance dans la traduction du sens du verset, ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. D'accord? Il dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhullah, « وَالْجَهَالَ لَيْسَ مَعْنَاهَا عَدَمِ الْعِلْمِ » Ici, ce qui est voulu par l'ignorance, ce n'est pas le fait que il n'a pas du tout de savoir, il n'a pas du tout de science. « لِأَنَّ الْجَاهِلْ لَا يُؤَخِذْ » Car l'ignorant, il n'est pas pris pour ce qu'il a fait. Vous savez tous, barakallahu fikum, que il faut apporter la preuve à celui qui ne la connaît pas. Si quelqu'un fait quelque chose qui est en opposition avec la législation d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'on doit lui rapporter? On doit lui rapporter là, la preuve. Donc en lui rapportant la preuve, d'accord, on lui montre la preuve, là ça y est, maintenant il la connaît. Il la connaît. Donc c'est différent, hein, de celui qui ne la connaissait pas. Tandis que là, ce qu'il dit, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhullah, il dit « Al-Jahala » qui est voulu dans ce verset-là. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire, donc l'ignorance ici, ce n'est pas qu'il n'a pas du tout de science. Car celui qui est ignorant, en toute vérité, eh bien, il n'est pas pris, il n'est pas yani, considéré comme quelqu'un qui a fait quelque chose en ayant la science, avec science, et il a agi délibérément. D'accord ? Parce qu'il faut lui apporter la preuve. لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. Ce qui est voulu ici par l'ignorance, c'est ce qui est en opposition de la sagesse, de la douceur, de la sagesse. فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhullah. Tout individu donc qui désobéit à Allah Azza wa Jal est quelqu'un qui est en déficience de hilm, de sagesse. Wa naqis al-aqliya wa naqis al-insaniya, et qui est en déficience de raison, qui est en déficience d'humanité. Wa qad yakuna 'aliman lakinnahu jahil min nahiyat ukhra. من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. Donc quelqu'un peut être un savant, peut avoir de la connaissance, mais c'est un ignorant. Dans quel sens? Dans le sens qu'il n'a pas cette sagesse, qu'il n'a pas donc ce calme. C'est le fait de prendre les choses avec calme, avec sagesse, et qui ne prend pas les choses de façon claire, organisée. D'accord ? La thabat fil umur. Thumma yatubuna min qarib. Dans ce que Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset. Puis, aussitôt se repentent. Qui aussitôt se repentent. Donc, ils se repentent. Yani, aussitôt. Yani, kullama aznabu astaghfaru. Donc ça veut dire qu'à chaque fois en fait qu'ils font un péché, eh bien, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal, ils se repentent à Allah Azza wa Jal. Ma hunaka ahadun ma'soum min adh-dhunub. Il n'y a personne qui est immunisé contre les péchés. Personne. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tous les humains pêchent. Personne ne peut prétendre qu'il ne fait jamais de péché. D'accord ? Car tout le monde pêche. Personne n'est immunisé contre cela. Mais lorsqu'il pêche, eh bien, il se repente aussitôt à Allah Azza wa Jal. Ça leur travaille. Ils se remettent en question. Et ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Walakin alhamdulillah anna Allah fataha bab at-tawba. Et louange à Allah qui a ouvert les portes de la repentance. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. Donc au serviteur, lorsqu'il fait un péché, de se repentir et de faire aussitôt donc se repentir sincère vis-à-vis d'Allah عز وجل. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامات الشقاء. Et s'il ne se repent pas et s'il ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, cela sont des signes que cet individu sera dans la difficulté. وَقَدْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Cela aura pour conséquence quoi? qu'il désespérera de la miséricorde d'Allah. Et que le shaytan risque de venir le voir en lui disant, en lui insufflant, tu n'as pas de tawbah. Tu n'as pas de tawbah. Tu n'as pas de repentance. Comme certains, ce qu'ils font l'erreur, c'est que lorsque tu les invites à la salate, à ce qu'ils se repentent sincèrement envers Allah Azza wa Jal et qu'ils se mettent à adorer Allah, ils disent comme excuse qu'il faut qu'ils arrêtent leurs péchés pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une tromperie du shaitan, du diable. Parce que c'est en faisant la salat qu'ils vont arrêter de faire leurs péchés, et non pas l'inverse. Car Allah Azza wa Jal dit, Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. La prière te mènera à arrêter, va t'arrêter de faire des choses mauvaises et détestables et interdites. C'est la prière qui va t'arrêter de faire ces choses-là. Si tu l'as fait avec ses conditions et ses piliers et de façon pieuse, sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu arrêteras de faire ces mauvaises choses et non pas l'inverse. Donc le diable risque de venir te voir et te dire que tu n'as pas de taouba toi. Tu as fait tellement de choses, ou bien certains ignorances qui vont dire à d'autres, non c'est pas la peine, c'est mort pour toi, ou ce genre de paroles qui n'est pas correct. Car la porte de la repentance ne se ferme qu'à deux temps précis. Le premier temps, lorsque l'individu est en train de rendre l'âme, d'accord ? À ce moment-là, Allah Azza wa Jal n'accepte plus le repentir. Et le deuxième cas, c'est lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, alors Allah Azza wa Jal n'accepte plus le repentir de ceux qui voudront se repentir. D'accord ? هذه الأمور الثلاث. Donc ces trois points-là. إذا أعطي شكر. Lorsque qu'il est reconnaissant lorsqu'il reçoit. وإذا ابتلي صبر. Qu'il est patient lorsqu'il est éprouvé. وإذا أذنب استغفر. Et qu'il est repentant lorsqu'il est pécheur. Eh bien ces trois points-là. هي عنوان السعادة. C'est le titre, c'est la clé du bonheur. Man wuffiqa laha nala sa'ada. Celui qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité cela, d'être patient lorsqu'il est éprouvé. Patient, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu vas te plaindre toutes les deux secondes à quelqu'un, ou tu vas te plaindre à quelqu'un au téléphone, ou tu vas te plaindre en disant c'est bon, il y a quelqu'un qui peut m'écouter, ou tout cela. Tu es patient, la patience ce n'est pas de se plaindre. La patience, c'est savoir que c'est Allah Azza wa Jal qui t'éprouve. Et que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te remémores les péchés que tu as pu faire et que tu te repens sincèrement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et tu sais qu'Allah t'éprouve et que tu patientes et tu demandes à Allah Azza wa Jal de te raffermir, de te faciliter, de t'aider à ce que tu te rappelles de lui, à ce que tu l'adores correctement et qu'il te maintienne sur la voie droite. Et qu'il maintienne ton cœur sur sa religion. La patience, c'est le fait que tu patientes lorsque tu es éprouvé, non pas te plaindre à chaque fois aux gens en te disant que voilà ce qui arrive, voilà tout cela, voilà, etc., etc. Ça, ce n'est pas la patience, le fait de se plaindre. D'accord ? Ce n'est pas être patient lorsqu'on se plaint. Mais tu gardes ce qui t'arrive à toi. Et tu patientes car tu sais que c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la patience. Donc celui qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité d'être patient lorsqu'il est éprouvé, de se repentir lorsqu'il pêche, car ce n'est pas donné à tout le monde. Parmi les châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut infliger à un individu qui se détourne de la vérité lorsqu'elle lui est apportée, parmi les châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut infliger à ce genre d'individu, c'est qu'il ne se rappelle pas des péchés qu'il a faits. Et le fait de ne pas se rappeler des péchés qu'il a commis, eh bien il ne se repentira pas. Et s'il meurt sur cela, il est sous la menace d'entrer en enfer. Et enfin, qu'il est donc patient lorsqu'il est éprouvé, repentant lorsqu'il est pécheur, et reconnaissant lorsque Allah Azza wa Jal lui donne il est reconnaissant. Il dit, هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ça, c'est par la faveur d'Allah. C'est par la bonté d'Allah. C'est par la grâce d'Allah. C'est Allah Azzawajal qui m'a donné ce bien-là. Alhamdulillah, et tu loues Allah Azzawajal. Ce n'est pas, par exemple, que tu as fait des études et tu as atteint un poste et tu dis, parce que j'ai étudié, parce que c'est mon intelligence, parce que je suis intelligent, parce que, etc. On doit craindre Allah Azzawajal. C'est Allah Azzawajal qui donne et c'est Allah Azzawajal qui retire. Donc celui qui, dont Allah Azzawajal lui a facilité ces trois points-là, eh bien, il atteint par cela le bonheur. Car il saura patienter. Il sait qu'il est excité, donc il patiente. Il goûtera ainsi à la saveur de la foi. وَمَنْ حُرِمَ مَنْهَا أَوْ مِنْ بَعْدِهَا فَإِنَّهُ شَقِيٌّ. Et celui donc qui est privé de cela, qui est privé de se repentir lorsqu'il pêche, ou qui est privé de patienter lorsqu'il est éprouvé, ou qu'il est privé d'être reconnaissant lorsqu'il reçoit, eh bien cet individu-là ne connaîtra que la difficulté. Qu'Allah nous en préserve. Donc ceci, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum pour votre patience et votre attention. Concernant donc l'introduction des quatre règles. Et dimanche, Inch'Allah, en direct donc de la mosquée de Lisieux, nous, Inch'Allah, nous continuerons donc les explications des quatre règles. La première règle. Donc nous ferons dimanche, Inch'Allah, l'explication du premier hadith de l'imam al-Nawawi, parce qu'on étudie les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Puis en deuxième partie, nous étudierons donc la première règle des quatre règles de les explications de Cheikh Salah al-Fawzan. Jazakum Allah khair, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.